Chez nos potos, y'a pas de resta, non. Si on se côtoie, c'est dans le respect. La chance se trouve pas dans un pocheta ou dans le canon d'un 38P. À part ça, toujours la même, j'ai pas changé d'attitude. J'aime pas quand ça fout la merde ou quand la routine me tue. Je rêve toujours de voyager, d'aller où le vent me mène. Le taf, personne l'a mâché, comment j'étais dans la merde. Donc mentalement faut rester costaud, parce que les problèmes t'emmènent à la mort ou à l'hosto. Le matin je suis levé tôt mais moi je suis un couche tard. J'ai les yeux tellement cernés qu'on dirait que j'ai des coca. Je suis toujours rempli d'ambition, même si le vécu dans mon cerveau m'a laissé quelques lésions. Me pose plus la question, qui a tort ou qui a raison, du moment que je ramène un treuil à la maison. Eh ouais, toute une vie à charbonner, pour si peu de reconnaissance, à la galère abonnée. Habitué depuis ma naissance. Mais je vais pas me plaindre, parce que je sais qu'il y a pire ailleurs. Non, je vais pas me plaindre, parce que demain sera meilleur. Ouais, ça va le faire, je respire et j'oublie mes malheurs. Ouais, ça va le faire, même si j'arrive jamais à l'heure. Et je trace ma route, tout en chassant mes doutes. Le temps dans le sablier ne fait que s'écouler. Je continuerai, et ça quoi qu'il en coûte. Trahison, méchanceté, tout ça m'a saoulé. Et j'ai chargé zéro bagage dans la soute. J'emmènerai rien le jour où je vais m'envoler. Perso des problèmes, j'en ai plus rien à foutre. Si le bonheur s'achète, perso j'irai le voler. Tu penses qu'on est des milliards et que chacun pense à sa gueule. Dieu merci, je suis débrouillé. Et je prends la musique à cœur, contradictoire. Y'a des fois je me comprends pas. Devant le miroir, je tourne en rond comme un compas. Fuck les comparses qu'ont voulu jouer les trompas. Ils sont là que quand ça brasse, ils sont pas là quand t'es en bas. L'argent pourri, ça leur fait tourner la tête. Rare que je souris, que je sois bien ou dans la dèche. Même quand ça va, je me pose 10 000 questions. En vrai seul, je me savate, même quand j'avance mes pions. Je paye pas trop, ça me fait grave grand berger. Non, moi je suis pas le mouton qui part suivre son berger. Génération de merde qui pense qu'à percer. Moi je pense qu'à m'en sortir, la rue m'a bercé. Je dors plus la nuit, je pense à tout ce que j'ai fait. La souffrance de mes proches quand je m'endormais au frais. Toute une vie à charbonner, pour si peu de reconnaissance, à la galère abonnée. Habitué depuis ma naissance. Perso frérot, moi non je vais pas me plaindre, parce que je sais qu'il y a pire ailleurs. Non je vais pas me plaindre, parce que demain sera meilleur. Ouais ça va le faire, je respire et j'oublie mes malheurs. Ouais ça va le faire, même si j'arrive jamais à l'heure. Et je trace ma route tout en chassant mes doutes. Le temps dans le sablier ne fait que s'écouler. Je continuerai, et ça quoi qu'il en coûte. Trahison, méchanceté, tout ça m'a saoulé. Et j'ai chargé zéro bagage dans la soute. J'emmènerai rien le jour où je vais m'envoler. Perso des problèmes, j'en ai plus rien à foutre. Si le bonheur s'achète, perso j'irai le voler.